fait la musique, fait la musique, fait la musique. L'ouvrier, l'ouvrier, l'ouvrier. Fait la musique, fait la musique, fait la musique. L'ouvrier, l'ouvrier, l'ouvrier. Qui fait la musique, fait la musique, fait la musique. L'ouvrier, l'ouvrier, l'ouvrier. Qui fait la musique, fait la musique, fait la musique. L'ouvrier, l'ouvrier, l'ouvrier. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We're so tired and blue. Don't know.

40 a.m. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Inadequacy was missed. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. What's your fantasy?